Panthère. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Ariane Ascaride et je vais vous raconter l'histoire de Toutoun et Constantin. C'était une petite fille que tout le quartier appelait Toutoun, parce qu'elle était toute petite de taille. Un visage tout rond et des yeux comme des grains de café, souvent rieurs, mais qui parfois se perdaient dans l'admiration de gros nuages roses qui flottaient au-dessus de la grande mer bleue qui venait lécher les rochers sur laquelle la grosse ville dans laquelle elle habitait était construite de briques et de brocs. On pouvait croire que Toutoun était un petit garçon. Ses cheveux étaient tout courts et elle courait tout le temps et partout pour aller à l'école, en revenir, faire les courses pour sa maman. Quand vous la croisiez, tous vos cheveux se retrouvaient en l'air et vos vêtements étaient tout froissés. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Elle adorait courir. Elle se sentait légère et forte en même temps, invincible. Dans son petit pantalon corsaire. À cette époque, les enfants avaient le droit de jouer sur les trottoirs de la grosse ville. Les petites filles dessinaient des marelles par terre avec la craie de leurs ardoises. Et quand elles faisaient un parcours impeccable, elles arrivaient au paradis. Toutoun, elle, sautait toutes les cases en courant, faisait une pirouette au paradis et repartait immédiatement en lançant ses petites jambes musclées au-devant d'elle. Tout le quartier disait « Mais qu'est-ce qui fait courir Toutoun? C'est un vrai courant d'air. Quand elle passe quelque part, les portes et les fenêtres claquent. » Oui. Qu'est-ce qui faisait tant courir Toutoun? Elle-même ne le savait pas très bien. Juste, elle sentait qu'elle ne pouvait pas rester assise sagement sur une chaise dans une jolie robe à volant bien repassée. Et c'est ce qu'on demandait beaucoup aux petites filles à cette époque. Être sage, parler doucement, jouer à la poupée, jouer à être une petite maman. On disait aux petites filles que le bonheur d'être une grande fille était d'avoir une maison bien propre, porter un joli tablier brodé et avoir de jolis enfants. Toutoun ne comprenait pas. Et même elle avait peur de ça. Elle rêvait de toute autre chose. Faire de l'escalade, construire des ponts, crier en haut d'une montagne, regarder le soleil tomber dans la mer et gagner l'épreuve de course à pied aux Jeux Olympiques. Alors, volontairement, elle avait accepté dans sa tête de ne pas ressembler aux autres et de garder ses cheveux très courts, de passer souvent pour un petit garçon. Ce qui, d'une certaine manière, lui donnait plus de liberté. Mais avait aussi pour conséquence d'être considérée par beaucoup de mamans comme une petite fille pas très fréquentable, qu'on n'invitait jamais aux anniversaires. Même si parfois Toutoun était un peu triste de tout cela, elle continuait à courir dans le vent au bord de l'eau, en écoutant parfois le bruit des vagues de la grosse mer. Un jour, alors qu'elle courait la tête levée au ciel pour voir les nuages, elle se tamponna avec un garçon pas plus grand qu'elle qui courait en sens inverse. Ils tombèrent tous les deux par terre. Aïe ! Et le garçon commença à lui chercher querelle et à se battre, prenant Toutoun pour un garçon. La petite fille se défendait âprement, sans un mot. Mais à un moment, le garçon lui mordit la cuisse et Toutoun poussa un cri aigu, un cri de fille. Son adversaire s'immobilisa immédiatement et lui dit « T'es une fille? Je me bats pas avec une fille. La honte !»« Quoi ?» dit Toutoun. « Quelle honte? Tu vas voir, je vais te faire manger la poussière !» Et elle lui sauta dessus. Mais le garçon ne se défendait plus. Il laissait Toutoun se bagarrer toute seule. Au bout d'un moment, la petite fille épuisée dit « C'est pas parce que je suis une fille qu'on peut pas se battre. Ça m'énerve. Je suis pas en sucre. Je suis forte, moi aussi. » Le garçon répondit « Mon père dit qu'il ne faut pas frapper les filles. Elles sont trop faibles. Il faut les protéger et leur ouvrir la portière de la voiture. Eh ben, mon père, dit Toutoune, il a pas de voiture. Et ma mère, elle a un travail. Et après, quand elle rentre à la maison, elle fait le ménage et elle est pas fatiguée, c'est la plus forte de la terre. Et comme je suis sa fille, je suis la petite fille la plus forte de la terre, je parie même que je cours plus vite que toi. Le garçon se mit à rire tellement qu'il se tenait le ventre en se roulant par terre. Les bras croisés et rouges de colère, Toutoune le regardait se trémousser en le trouvant ridicule. Faisons la course et tu verras bien. Le garçon riait de plus en plus, il en pleurait. Toutoune se mit à hurler. Faisons la course, je te dis. Le garçon, qui s'appelait Constantin, un nom d'empereur, et qui se prenait un peu pour un empereur, se releva et dit d'un air très sûr de lui. Je suis le meilleur de mon école en course, je vais te laisser sur place. Toutoune continuait à hurler. Faisons la course, je te dis. Elle était écarlate de colère. Alors, Constantin, tel un grand seigneur, car on est ainsi quand on est empereur, accepta l'épreuve. Ainsi, on vit deux enfants sur la corniche de la grosse ville en position de départ de course. Il n'avait pas fini de compter jusqu'à trois, car il avait tenu en spécialiste à donner le départ, que la fusée Toutoune avait déjà démarré, le laissant quasi sur place, éberlué. Reprenant ses esprits, il se lança à sa poursuite. Il était très fort en sprint, mais il n'arrivait pas à remonter à la hauteur de cette petite fille qui avait des jambes qui moulinaient comme les hélices d'un avion. Quand il arriva à la statue du bonhomme tout nu, Toutoune avait eu le temps de grimper dessus, ce qui était un des jeux préférés des enfants de la grosse ville. Constantin, en bon petit empereur, reconnut sa défaite face à cette drôle de fille qui, au fond, lui plaisait beaucoup. Les filles n'ont pas toujours besoin d'avoir des tresses et des robes, se disait-il. Et puis, on pourrait s'entraîner ensemble, car lui aussi rêvait de gagner les Jeux Olympiques. Depuis, souvent les gens en promenade sur la corniche sont obligés de faire une pirouette sur eux-mêmes quand ils sont croisés par deux petits bolides qui font croire aux mamans des maisons en bord de mer que le Mistral s'est levé et qu'il fait claquer les portes, les fenêtres et les volets. Et voilà! L'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.